Chapitre 16e, le point lumineux. Cette scène s'était déroulée dans la matinée. Vers le soir de cette même journée, le général, ayant employé son après-midi à boire de la vodka avec Ossip, remonté en faveur, eut envie de fumer son cigare dans le jardin avant la venue de la nuit terrible et peuplée de fantômes qu'il redoutait extrêmement. Toujours suivi de son intendant, il s'engagea dans l'allée pour faire le tour du massif fleuri. Il aperçut alors Pouchkine, qui, avec une ardeur dont il n'avait pas l'habitude, soignait ses fleurs. Pouchkine, penché sur la bordure du massif, inondait, nettoyait les bégonias, les héliotropes mauves, les géraniums. Le général, en l'apercevant, bondit. Il courut à lui, entra sur la pelouse, et d'un violent coup de botte, l'envoya s'affaler au milieu des fleurs. « Ça t'apprendra !» lui cria le général. « À ne pas répondre le matin quand je t'appelle !» Le malheureux Pouchkine se relevait tout ahuri, se frottant l'endroit atteint, roulant des yeux et claquant des dents, tout en demandant pardon. Pouchkine était en faute. Pouchkine s'était endormi hier soir et ne s'était réveillé que tout à l'heure, très tard, dans l'après-midi. Il n'était pas descendu dans le parc de la matinée et ses fleurs avaient eu soif, sans doute. Pouchkine avait donc encaissé, comme un juste châtiment, le coup de botte de son auguste maître. Mais Pouchkine était incapable de comprendre pourquoi il avait dormi si tard. Hier, il n'avait pas bu plus d'eau-de-vie que les soirs précédents. Et l'eau-de-vie ne lui avait pas semblé plus forte que de coutume. Alors, pourquoi ce sommeil? Le malheureux Pouchkine ne devait jamais le savoir. Il n'aurait d'ailleurs pas compris pourquoi un homme qu'il ne connaissait pas, et qui, coiffé d'une perruque, orné d'une barbe roussâtre, lui ressemblant plus qu'un frère jumeau, avait endossé sa vareuse, son pantalon bouffant, ses bottes, et était allé à sa place, dans la matinée, soigner pour lui les plantes du parc. Pouchkine, âme simple, aurait été aussi profondément étonné d'entendre cet homme, occupant sa place, parler au gentleman, au prince Grigoriski, dans une langue qui avait peut-être les finales, les intonations, l'harmonie de la langue russe, mais qui ne comportait pas un mot qu'un russe pût comprendre. Et Pouchkine, d'ailleurs, n'avait pas besoin de savoir que cet homme était Paulin Broquet. Donc, puisque Paulin Broquet, qui à cette heure, étant Pouchkine, n'avait pas répondu aux appels du général, il était juste que Pouchkine, maintenant, en fût châtié. Et le coup de pied bien donné, bien reçu, tout rentra dans l'ordre habituel. Le jardinier reprit son travail, se mit à relever les héliotropes mauves, les géraniums écarlates et les bégonias jaunes de ses bordures, que son énorme corps avait écrasé, et le général, satisfait, reprit sa promenade. Le soir vint, le général rentra. On ferma à double verrou toutes les portes, et le général monta dans sa chambre, espérant que son sommeil ne serait pas interrompu. Espoir déçu. Le général avait laissé allumer les becs du plafonnier, parce que les fantômes n'aiment pas la lumière. Il ronflait comme un sapeur quand tout à coup il fut tiré de son sommeil brusquement. Il ouvrit les yeux hagards, regarda autour de lui. Le plafonnier allumé éclairait toute la pièce. Le général n'aperçut rien, n'entendit rien. Soudain, le plafonnier s'éteignit, plongeant la pièce dans une obscurité complète. Le général se sentit étreint par une anxiété extrême. Il se dressa sur son lit, attendant, écoutant. Il ouvrait tout grand les yeux, mais dans la nuit opaque, il ne pouvait rien voir. Cette sensation de noir impénétrable, de néant plein d'inconnus, de redoutable, est la plus terrible dans la peur insurmontable. Soudain, en face de son lit, sur le panneau de la chambre, un point lumineux, faible, à peine sensible encore, apparut. Puis, ce point lumineux, guère plus grand d'abord qu'un écu, grandit, et gagna plus d'un mètre de diamètre. Le général regardait. Ses yeux, maintenant dilatés par l'angoisse, suivait ce point lumineux qui grandissait lentement. Il regardait sans comprendre. Il attendait, n'osant pas faire un mouvement, la sueur perlant à son front, ses mains se crispant en retenant les draps de son lit. Puis, dans ce rond de lumière, ce rond immense maintenant, qui perçait le mur de la chambre, tout à coup parut une ombre, une forme, une silhouette, une femme. Le général alors étendit la main en avant comme pour repousser cette vision. « Non, non !» cria-t-il. La silhouette se précisa, l'ombre sembla prendre corps, et la femme se montra comme vivante. « Johanna, Johanna !» fit le général. Tremblant, affolé, mourant, le général sauta à bas de son lit et se jeta à genoux. « Johanna, pardon » murmura-t-il, « pardon !» Alors la silhouette de Johanna s'éteignit, et à sa place, dans le rond lumineux, parurent ces mots. « Je suis morte. Si tu veux mon pardon, donne le bien volé à celui à qui il appartient. » Puis l'inscription, comme précédemment la silhouette de la jeune femme, s'éteignit, et la nuit redevint complète, épaisse, lourde, épouvantable dans la chambre. Le général demeura ainsi accablé, anéanti, au pied de son lit. Au jour seulement, il se ressaisit, et il reprit sa vie ordinaire. « Elle est venue, » dit-il aussi, « elle est venue. Elle m'a ordonné de rendre l'argent au prince Grigoriski. » Ossip écoutait, atterré, plus effrayé, lui, maintenant en plein jour, que le général n'avait été anxieux dans la nuit, plus épouvanté en écoutant le récit, que le général n'avait été angoissé en voyant lui, le spectacle terrifiant. Mais la peur donna à l'intendant une bonne idée. « Il faudrait, » dit-il au général, « il faudrait avertir de cela Paulin Broquet. » Le général hésita un moment, doutant qu'il fût prudent de confier cela au détective. « Mais en somme, » dit-il, « puisqu'il s'est chargé de retrouver Johanna, il faut l'avertir qu'elle est morte. » Ossip, qui lui naturellement sortait, allait faire des courses pour le général, quitta peu après l'hôtel et se rendit à la sûreté. Il n'y trouva point Paulin Broquet comme il l'espérait, mais son second, Gabriel, à qui il savait pouvoir confier ce qu'il voulait transmettre au détective. Dans la journée, un garde républicain, large, massif, imposant, la figure coupée d'une forte moustache noire, descendit de cheval devant l'hôtel Sobarov et sonna à la porte. L'huissier vint ouvrir. « Pli diplomatique, » dit le garde républicain. « Ordre confidentiel. Donnez, » dit l'huissier, tendant la main. « Non, impossible. Je ne dois remettre qu'au général Sobarov. Je le lui ferai parvenir. Ma consigne est de ne le remettre qu'aux mains du général et de ne le laisser que contre en reçu. Le général, cependant, ne peut venir jusqu'ici. Pas nécessaire. Conduisez-moi jusqu'au général. Et le cheval? Appelez quelqu'un pour le garder. » L'huissier et l'un des domestiques et lui donna le cheval à garder. Puis il précéda le garde républicain, le conduisit vers la salle des armures où il fit part à Ossip, qui se trouvait avec le général, de la venue du garde. Ossip vint trouver le messager officiel, qui refusa encore de lui confier à lui également, malgré tous les pouvoirs dont il se prétendait muni, le pli qu'on lui avait dit de remettre en main propre. Alors, l'intendant, après avoir consulté son maître, ordonna au cavalier de le suivre et l'introduisit dans la salle des armures. L'huissier s'éloigna, fermant derrière lui les portes. Le garde républicain entra et vint se ranger à trois pas du général qu'il salua militairement. Le général regarda cet homme, d'ailleurs magnifique sous cet uniforme, et il tendit la main pour rendre le pli que le garde tenait dans sa main gauche. Il arrivait parfois au général de recevoir des plis diplomatiques, des notes de l'ambassade de Russie, des communiqués d'un ministère français. Il n'avait donc pas lieu de s'étonner de celui-ci. Ce qui l'intriguait, c'était l'insistance que le porteur de ce message mettait à ne vouloir le remettre qu'en main propre et à réclamer un reçu de cette communication. « Qu'est-ce que c'est, mon ami ? » demanda-t-il.